Amour, je sais que je tourne en rond. Au fur et à mesure, et je vois ma fleur qui se fane, ouais, ma fleur qui se fane, ouais. Et puis ma poitrine est serrée, je sens mon cœur qui bat. Au fond, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, qu'est-ce qui t'arrive? On s'esquive pas, comme deux frères qui se battent, comme deux frères qui se parlent, ouais. Tu manquais ta l'heure, mais c'est plus le cas. Depuis, je tourne en rond, je tombe dans le déni, ouais, on pousse dans l'ombre. Tous dans le délire, depuis je tourne en rond. Je sais que tu tournes en rond, ouais. Tu sais ma caille, tu peux m'en parler. Je suis toujours là, c'est toujours moi, je fais pas la starlette. On prend du pif, on prend de l'âge, ouais. Au fond du pif, au fond du roude, on prend les manettes. C'est carré sur les bords, ouais, jamais sans mes sauces. Ouais, j'en ai sur mes épaules, et j'en ai sur mes côtés. Je rêve d'être à ma place, attends que je goûte le parterre. J'ai la mauvaise méthode, je fais carrosser mes partenaires, ouais. Je peux t'en parler, je peux t'imaginer, gros. Espèce de colère, c'est mon boulot. Car je l'ai vendu, je l'ai inhalé. Ouais, je termine la bouteille au goulot. Maman, ne dors pas de la nuit, allez. Viens, on va faire partir tout le rouleau. Maman, ne dors pas de la nuit, allez. Viens, et si elle demande, je suis parti mailler. Loin, en manque d'euros, je suis parti mailler. Loin, manque d'euros, je suis parti mailler. Parti mailler, manque d'euros, je suis parti mailler. Parti mailler, et toutes ces années, je suis parti mailler. Loin, toutes ces années, je suis parti mailler. Loin, toutes ces années, je suis parti mailler. Parti mailler, manque d'euros, je suis parti mailler. Parti mailler, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana,